l'on devait se quitter. Si la marche du temps devait nous séparer, tu serais dans mon cœur la petite fille tant aimée qui m'a donné tant de joie et de bonheur. Les années passeront et tu grandiras. Loin de moi un jour, la vie te jettera. Ma chérie, souviens-toi pour toujours de moi qui t'ai donné toute une vie d'amour. Où que tu sois, ma fille, emporte avec toi l'amour qu'en moi toute une vie j'ai porté pour toi. Où que tu sois, ma fille, emporte avec toi l'amour qu'en moi toute une vie j'ai porté pour toi. Avec toi l'amour qu'en moi toute une vie j'ai porté, porté pour toi. Où que tu sois, ma fille, emporte avec toi l'amour qu'en moi toute une vie j'ai porté pour toi. Doobie doobie doobie doobie.